Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit Vladimir Nabokov. Nuit Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov, auteur de romans, de nouvelles, de mémoires. Ada ou l'ardeur, Lolita, Feu pâle, Roi dame valet, La vraie vie de Sébastien Knight, Pnin, Autre rivage, Regarde, regarde les arlequins, La défense Lougine, Rire dans la nuit et Chambre obscure, Le don, Majenka, etc., etc. Une liste, on s'en doute, non exhaustive et des titres donnés tout à fait dans le désordre. Je n'ai pas cité L'Enchanteur, un roman ou une longue nouvelle dont nous entendrons cette nuit une adaptation radiophonique. Roman ou longue nouvelle dont nous allons certainement parler avec deux chercheuses enchantées, Yannick Chupin et Agnès Edelroy. Bonsoir Yannick Chupin. Bonsoir Philippe Garbi. Et bonsoir Agnès Edelroy. Bonsoir Philippe Garbi. Alors je ne sais pas si vous-même, quand vous vous parlez comme ça entre vous, vous vous dites bonjour ou bonsoir chercheuse enchantée Agnès Edelroy. Non, on se le dit pas comme ça, mais vous l'êtes. Mais oui, nous le sommes. Bon, il y a un peu d'auto-dérision quand même dans le nom d'Enchanté. Yannick peut préciser d'où vient le nom. Oui, alors tout simplement, c'est une allusion à Lolita, à l'auberge des chasseurs enchantés dans Lolita. Et quand on a créé cette association en 2011, la Société française Vladimir Nabokov, donc aussi appelée les chercheurs enchantés, nous avons voulu faire un petit clin d'œil à Lolita et aussi traduire l'enthousiasme des chercheurs et non seulement des chercheurs, mais de tous ses membres, de tous les membres qui composent la société. Parce que voilà, nous sommes des chercheurs passionnés, des lecteurs passionnés, et on invite, c'est peut-être la différence de notre société, on invite tous les lecteurs de Nabokov à rejoindre la société, et pas seulement les chercheurs. Ce n'est pas seulement une société savante, érudite, mais c'est une société qui cherche à promouvoir l'œuvre de Nabokov auprès du grand public, et qui multiplie aussi les projets artistiques. Voilà. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses ? Nous sommes actuellement environ 80 membres. 80 membres, donc une créée il y a 7 ans, vous l'avez dit. Voilà, c'est ça. Il y a quand même aussi un petit clin d'œil à l'Enchanteur. Bien sûr, oui. Et puis, voilà, à l'Enchanteur et au thème de l'enchantement qui est très présent aussi dans l'œuvre de Nabokov, dans toutes ses œuvres. Alors, donc, vous avez organisé, enfin, cette société a organisé il y a quelques années, c'était au printemps 2013, un colloque international qui portait sur les relations que Vladimir Nabokov avait entretenues avec la France. Alors un colloque d'une grande richesse, mais évidemment si on n'a pas assisté à ce colloque en 2013, c'est un petit peu tard. Sauf que, très bonne idée, les presses universitaires de Strasbourg viennent de publier un Vladimir Nabokov et la France, sous votre direction Yannick Chupin et Agnès Edelroy, et aussi celle de Monica Manolescu et Lara Delage-Toriel. Alors ça permet vraiment de rattraper ce colloque que l'on aurait pu rater, Agnès Edelroy ? Alors, oui, pour une grande partie, puisque les articles de ce volume, hein, 16 articles, sont une sélection des communications qui ont été données à ce colloque. Donc, les 16 articles permettent d'avoir une... Alors, je précise que c'est pour partie en anglais, pour partie en français, afin de tenter de respecter aussi l'ouverture linguistique de Vladimir Nabokov, et donc de balayer aussi le spectre, enfin en tout cas on a tenté de le faire, le spectre de ses relations multiples avec la France. Cela dit, le volume ne rend pas compte de ce qui a pu se faire autour du colloque. C'était à la Sorbonne, c'était à la BPI au Centre Pompidou, voilà. Et puis c'était à Ulm aussi. Voilà, donc il y a eu deux journées scientifiques à la Sorbonne et à l'École Normale Supérieure d'Ulm. Mais notre différence, qu'on cherche toujours à mettre en avant, c'est qu'on a organisé avec l'équipe de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, avec Emmanuel Payen, on a organisé une très riche journée, grand public, avec des conférences de Maurice Couturier notamment, ou de Tatiana Ponomareva, la directrice du musée de Saint-Pétersbourg, du musée Nabokov de Saint-Pétersbourg. Donc on a organisé un débat aussi animé par Paula Jacques, avec des écrivains contemporains, Brice Mathiusson, Lila Azamzangané, Michel Schneider, et aussi une lecture de Mademoiselle O. Par Denis Podalydès. Donc en français, bien entendu. En français, bien entendu, puisque Mademoiselle O a été écrite en français. Je suppose qu'on va en reparler au cours de. Peut-être. Écoutez, on a toute une nuit Vladimir Nabokov. On va donner le programme d'ailleurs de cette nuit Vladimir Nabokov aux auditrices et aux auditeurs de France Culture. Donc, je l'ai dit, on va pouvoir suivre une adaptation de L'Enchanteur, cette nouvelle qui, chacun le sait, c'est un peu les prémices. En effet, le premier flottement, il y a des formules comme pas ça Nabokoviennes. Non, c'est presque Lolita, mais pas du tout. C'est autre chose. Et puis, on aura un pays d'ici à Montreux, c'est Jean Dev. S'était rendue à Montreux, et elle est en deux émissions, un enchanteur à Montreux, puis le guetteur du palace, où il avait rencontré Dimitri Nabokov. On aura un entretien avec Bénédicte Bintaine, qui, elle, s'est intéressée lors de ce colloque en 2013 à la Sorbonne, au français comme langue de la séduction fallacieuse dans l'œuvre de Vladimir Nabokov, une esthétique de l'ambiguïté. Alors le français avec un petit F, mais aussi les français, les vrais français, les vraies françaises, ou des faux français, et des faux française. Enfin bon, elle nous expliquera tout ça. On pourra entendre bien entendu des nouvelles de Nabokov. Ici, on parle russe. Et puis la sonnette, des lectures faites par Éric Genovese et François Martouret. On aura un entretien avec Laure Troubetskoy qui nous rejoindra dans la nuit pour parler des lettres à Vera qui viennent d'être publiées il y a quelque temps. Puis une émission, le cabinet de curiosité Lolita entre innocence et perversité avec Maurice Couturier que vous avez déjà signalé. Une émission de Catherine Pontimbert. C'était une émission diffusée en 1999. Et puis un autre entretien avec Dimitri Nabokov, qui là avait été accordé par Roger Vrigny dans Lettres ouvertes. C'était en 1992 à l'occasion de la publication de la correspondance de Vladimir Nabokov. Et puis on terminera par une nuit magnétique, une lecture du roman Ada par Philippe Boyer. Alors je ne vous ai pas vraiment présenté, Yannick Chupin, vous êtes maître de conférences en littérature nord-américaine à l'université de Cergy-Pontoise. Agnès Edelroy, vous êtes agrégée de lettres modernes, professeur de littérature comparée et titulaire d'une maîtrise de langue en littérature russe, ou pas du tout? C'est ça, hein? Pas tout à fait, mais vous préparez une thèse. Oui, là, je finis ma thèse en littérature comparée. Alors, quel est le sujet? Politique et littérature dans les romans de Vladimir Nabokov. Alors, vous vous êtes partagé peut-être le travail, la période russe pour l'une, la période américaine pour l'autre. Je suppose que vous avez choisi la facilité, c'est-à-dire que celle qui travaille sur la Russie, sur la langue russe, a choisi la période russe. C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que moi, comme j'ai cette capacité de relire notamment les articles où du russe est cité, comme par exemple dans l'article de Stanislas Svabrine qui s'intéresse aux relations entre Vladimir Nabokov et Alfred de Musset. Et donc Vladimir Nabokov a traduit Nuit de mai notamment en 1927. Donc effectivement, là, je m'occupe de la partie russe, oui. Et vous, Yannick Chupin? À vous, l'Amérique du Nord? La partie plus américaine, oui, mais bon, on connaît toutes les quatre organisatrices de notre Nabokov, hein, mais on est spécialiste, c'est vrai, d'une période en particulier, mais aussi de thématiques. Moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à la langue, aux jeux de mots, aux questions de narration, donc effectivement, j'avais plus d'affinité avec certaines productions que d'autres. Et oui, travailler à quatre, ça permet d'avoir des spécialistes sur chaque sujet. Parce qu'évidemment, il faut dire ou apprendre peut-être, parce que tout le monde n'est pas censé avoir lu Vladimir Nabokov ou connaître sa biographie, qu'il y a donc une période russe, d'écriture russe en tout cas, et une période américaine, d'écriture donc anglaise. Agnès Edelroy. Oui, et à ce sujet, effectivement, moi je travaille plus particulièrement sur la période, bien entendu, russe de son écriture. Et aussi donc sur la période de son émigration européenne et de ses rapports souvent conflictuels avec certains émigrés russes. Donc voilà, ça c'est la période sur laquelle je suis le plus à l'aise, on va dire. Donc il a vécu alors après donc la révolution. Donc il a quitté la Russie pendant la fin de la guerre civile, hein, en quittant la Crimée par Sébastopol, hein, sur l'un des derniers bateaux, le dernier je crois, qui s'appelait Nadiejda, c'est-à-dire l'espoir. Et donc ils ont, avec sa famille, tout un périple comme tous les émigrés russes, hein, Marseille, Paris, Londres, Et puis finalement, sa famille s'installe à Berlin, ses parents, ses sœurs et frères, tandis que lui, avec son plus jeune frère Sergueï, font leurs études en Angleterre et au Trinity College de Cambridge. Et ensuite, il retourne à Berlin en 1922, qu'il ne quittera qu'en 1937, malgré la situation politique, malgré le fait que sa femme Vera est d'origine juive et que ils ont un petit garçon, Dimitri Nabokov, né le 10 mai 1934, et que les conditions matérielles sont pour lui très très difficiles en Allemagne. Mais dès les années 30, hein, et à partir de 32, en tout cas c'est très net, il cherche un moyen de s'installer en France, comme la plupart des émigrés russes a quitté Berlin pour la France, et principalement pour Paris, un peu sur la Côte d'Azur. Il cherche un moyen de venir en France, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut savoir que Nabokov est l'un des rares émigrés russes qui ne vivait que de sa plume. Alors que d'autres faisaient des petits boulots, hein, comme on le sait, le fameux prince russe qui était chauffeur de taxi, ça existait vraiment, c'était vrai. Et donc lui ne vivait que de sa plume et de ce qu'il arrivait à rendre des nouvelles, des poèmes, et jusqu'à son premier roman publié en 1926. Donc voilà, donc en 32, dès 32, il tente de s'installer en France. Il vient en 32 faire une tournée de lecture. Puis en 1936, et c'est là d'ailleurs qu'il lit Mademoiselle O, son premier récit en français. Non pas son premier texte publié en français, mais son premier récit de fiction. De fiction en français. Enfin, un peu plus compliqué. C'est hybride. C'est une fiction, une mi-fiction, une mi-autobiographie, puisque ce sera le, comme il le dit, le chapitre, la pierre angulaire de son autobiographie. Donc c'est très intéressant parce que c'est un texte en français. Et ensuite, il vient s'installer à Paris en 1937, puis va chercher sa femme et son fils à Prague, où vit la maman de Vladimir Nabokov, qui s'appelait Elena, et dans des conditions très terribles. Elle est malade et voilà. Mais à partir de 37, il s'installe en France. Et cherche un travail. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1937, il fallait, j'ai vérifié hier parce que je n'étais pas tout à fait sûre, mais en fait, il fallait une carte d'identité pour pouvoir rester en France. Or, les émigrés russes étaient apatrides depuis que la Russie soviétique les avait déclarés apatrides et qu'ils n'avaient donc qu'un passeport Nansen qui leur permettait seulement de voyager, mais pas de s'installer. Donc, Vladimir Nabokov n'a eu la carte d'identité française que le 1er mai, je crois, 1938, si je me souviens bien. C'est-à-dire un an après être arrivé à Paris. Et ensuite, il n'a jamais eu de... Il fallait un permis pour travailler. Il ne l'a jamais obtenu. Donc, il a toujours tenté de vivre de sa plume et dans des conditions de plus en plus difficiles. Et sans doute que la France est privée d'un grand écrivain français. On a émis l'hypothèse que Nabokov aurait pu être un écrivain français. Alors, déjà, il a dit très tôt dans sa vie que s'il n'y avait pas eu la... Enfin, même si la révolution n'avait pas eu lieu, il serait allé vivre en France ou en Italie. Bon, ensuite, il était déjà venu durant l'enfance. Oui, voilà. Il avait passé beaucoup d'été à Biarritz. Il revient ensuite en 1932 et puis s'installe trois années. Ensuite, bon, on n'est pas arrivé à cette période de la biographie, mais il va quitter la France pour une raison très simple, c'est la Seconde Guerre mondiale. Sa femme Vera étant juive, donc il part en 1940, et voilà, se pose cette question: sans cette Seconde Guerre mondiale, aurait-il quitté la France? Certainement non, et peut-être aurait-il écrit en langue française, et on n'aurait pas eu un Vladimir Nabokov russo-américain, mais russo-français, qu'aurait été Lolita également. Lolita, mais écoutez, il n'est pas possible de passer toute une nuit consacrée à Vladimir Nabokov sans entendre Vladimir Nabokov. On va l'entendre, il est au micro de Pierre Dumayet, on est en 1959, c'est dans l'émission Lettres. Vous l'avez toutes écoutées. Lecture pour tous. Vous l'avez écouté. Oui. Vous l'avez revu on la voit partout, je crois, sur Internet. Oui. Voilà. Lecture pour tous. Pierre Dumayet, Vladimir Nabokov. Vous avez écrit qu'outre la question des nymphettes, Vous n'étiez pas d'accord sur bien des points avec votre personnage, avec cet homme qui aime Lolita. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple ou plusieurs exemples même de ce qui vous sépare fondamentalement? Oui, je peux vous donner des exemples. Par exemple, à un moment donné, mon héros parle des colibris grisâtres qui butinent les fleurs au crépuscule. Eh bien, il se trompe, l'ami Humbert. Et moi qui suis naturaliste, je sais que les oiseaux mouches ne volent pas à la brune, et que c'était simplement des sphinx, gros papillons de nuit, à la trompe très longue et au vol suspendu. Et il y a encore autre chose. Mon Humbert raffole de Ronsard et de quelques autres poètes que je ne goûte pas tant que lui. Je reviens à l'exemple du colibri. Que vous ayez fait commettre à votre personnage, à Humbert, des erreurs que vous n'eussiez jamais commises, n'est-ce pas là l'indice que vous avez voulu prouver, plus ou moins consciemment, qu'il n'y avait aucun rapport entre votre personnage et vous, que vous n'étiez absolument pas Humbert? Oui, peut-être que je voulais prouver cela, mais il me semblait plus difficile, c'est-à-dire plus artiste, de donner à mon personnage non seulement des sentiments qui ne sont pas les miens, mais aussi des idées que je ne partage point. Malheureusement, puisque le lecteur n'est pas censé connaître M. Nabokov, je reste seul à apprécier cette différence. Mais ne peut-on pas dire que c'est au moins pour vous prouver à vous-même qu'il n'y avait aucun rapport entre vous et votre personnage que vous avez fait cela? Si vous voulez. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vladimir Nabokov au micro de Pierre Dumayet, c'est dans Lecture pour tous, une réalisation de Jean Prat. Nous sommes le 21 octobre 1959 à la télévision française. Je vous voyais sourire amoureusement à... Ah si, il a une voix extraordinaire, tout ça, sans Vladimir Nabokov, de son français. Alors, un français extraordinaire. Alors, un français extraordinaire, un français lu, parce qu'il faut, oui. On le sait, il lit des fiches. Il préparait ses tous ses entretiens et voulait, exigeait qu'on lui envoie les questions à l'avance. Rien n'était publié sans son autorisation. Il était très catégorique sur cette question. Oui. Donc il a un français lu et extrêmement riche, avec un vocabulaire très choisi, très raffiné, qui est aussi tout aussi riche que son vocabulaire en anglais. Et puis c'est amusant aussi parce qu'il ne répond pas directement à la question de Pierre Dumayet. En gros, Pierre Dumayet lui dit c'est pas vous Humbert, enfin évidemment il répond sur un détail de savant, enfin si tant est que les savants puissent avoir des détails, mais en tout cas chez Vladimir Nabokov tout était dans le détail, oui. Donc, dans le contournement, comme ça, c'est lui qui répond quand il veut. Alors, il faut quand même replacer cet entretien télévisé dans son contexte. C'est que la traduction française de Lolita vient d'être publiée le 30 avril 1959. Éric Kahn. Traduit par Éric Kahn. Que tout ça s'est fait dans un contexte très difficile parce que les relations entre Éric Kahn et Vladimir Nabokov pour traduire le texte ont été quand même très tendues, que d'ailleurs Vladimir Nabokov n'a cessé de corriger les allusions entomologiques d'Éric Kahn qui n'y connaissait rien de son point de vue. Et donc quand il arrive à Paris en octobre 1959 pour faire la tournée vraiment française de la promotion de Lolita, il est attendu comme le messie. On veut absolument voir Monsieur Nabokov, le père de Lolita, qu'on n'a donc pas vu depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Oui, enfin, oui. Personne ne le connaît, mais tout le monde veut le voir. Alors que Lolita est paru en France, voilà. En anglais, mais en France avant de paraître aux États-Unis. C'est ça, alors que Lolita est paru, oui, en 1955, publié par Girodias, qui est le propre frère d'Éric Kahn, ce que Nabokov ne savait pas d'ailleurs, quand il apprend qu'Éric Kahn est son traducteur. Donc, en fait, tout le monde veut le voir. Il y a un article très amusant de Bernard Pivot dans le Figaro littéraire, qui est tout jeune journaliste, qui raconte comment il doit se frayer un chemin au travers de tout Paris. Nimi est là, Dominique Orielà, Raymond Queneau, pour apercevoir Monsieur Nabokov et sa femme qui est toujours à ses côtés et ne le quitte pas. Et donc, quand il est interrogé par Dumayet, mais quand il est interrogé par les journalistes, puisque tous les journalistes veulent un entretien avec Monsieur Nabokov, la question, c'est vraiment, voilà, est-ce que Nabokov partage l'appétit de Humbert Humbert pour les nymphettes. Pour les nymphettes, voilà. Donc c'est une question qui est quand même très difficile. C'est une question étrange aussi. Étrange. Parce qu'on ne pose pas ces questions à tous les écrivains, à tous les romanciers. On n'a pas l'impression qu'ils sont censés partager tous les goûts, toutes les histoires, toutes les aventures de leurs personnages. Pourquoi chez Nabokov, il y a cette question-là Yannick Chupin. Vous y avez répondu quand même dans le colloque en 2013 et puis dans Vladimir Nabokov et la France, à votre manière riche et généreuse, mais tous les intervenants y ont répondu. Oui, on essaye toujours d'y répondre parce que c'est une question qui revient sans cesse. Il faut quand même savoir que Nabokov, tout particulièrement, disait la fiction c'est de la fiction, la littérature c'est de l'invention, et appeler un roman une histoire vraie, c'est une insulte à la fois au roman et à la vérité. Donc tout est fictif chez Nabokov, mais on peut se poser la question de la récurrence du thème de la nymphette. Mais simplement, beaucoup d'autres thèmes reviennent aussi et forment des motifs dans l'œuvre de Nabokov. Et la nymphette en est un, c'est vrai, mais on va trouver beaucoup d'autres obsessions qui ne sont pas, ne relèvent pas non plus de la biographie de Nabokov. Ni ne sont punis par la loi. Ni ne sont punis par la loi. Alors, pour revenir à Vladimir Nabokov et la France, publié aux presses universitaires de Strasbourg, Yannick Chupin et Agnès Edelroy, quelles sont les interventions que vous avez conservées sur ces relations de Vladimir Nabokov et la France? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme? Vous êtes pas, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir un colloque à Madrid disant Vladimir Nabokov et l'Espagne, à Rome, Vladimir Nabokov et l'Italie, etc. Non, hein. Je suis sûr de la réponse, mais je vous la pose malgré tout. Tu veux commencer ? On en parlait tout à l'heure un petit peu, quand on disait que Nabokov aurait pu être français, il y a quand même trois grands pôles culturels dans l'œuvre de Nabokov, qui sont le pôle anglophone, le pôle russe et le pôle français, mais nous on avait le sentiment que ce pôle culturel français avait été moins exploré que les autres, beaucoup moins. Nous étions la société française Vladimir Nabokov, et ça nous semblait tout naturel de prolonger les premières interrogations. Il y a eu évidemment des articles, des faits avant ce colloque, et puis il faut absolument citer sur ce thème Maurice Couturier, qui a écrit en 2011 Nabokov ou la tentation française. Et qui a retraduit Lolita. Qui a offert cette deuxième traduction de Lolita plusieurs décennies après celle de Kahn. La question est vraiment très, très prégnante de sens. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est influencé par la littérature française, par la langue française? Parce qu'on sait qu'il va aussi influencer par la suite des romanciers français. Donc c'est un jeu chronologique dans les deux sens. Voilà, c'est à double sens, hein, on va dire, cette influence. Il y a d'abord l'influence de la littérature française qu'il a découverte très très tôt dans ses années enfantines. On connaît peut-être la figure de Mademoiselle O, dont on parlait tout à l'heure, qui était sa gouvernante française, qui lui lisait de la littérature française 3 heures par jour, après lui avoir appris la grammaire française le matin. L'après-midi c'était consacré à la lecture, et Nabokov écoutait Daudet, Mérimée, Hugo, Corneille, hein, et s'en est nourri. Et ça a nourri son imaginaire, hein, autant que sa connaissance de la littérature française. Et puis, deuxième volet très important, c'est la langue française qui va parcourir tous ses écrits, qu'ils soient russes, mais aussi, peut-être encore plus, ses écrits anglophones, puisque les textes sont parsemés de mots français dans le texte original anglais, d'expressions, d'idiomes. hommes et qui, bah, comme Bénédicte Bintène l'a montré, qui ont souvent une connotation ambiguë. Alors bon, voilà. Après, nous en parlera plus tard au cours de la nuit. Il y a aussi, quand on lit des, je sais pas, par exemple, il y a des textes. C'est alors, Intransigeance chez Julliard. Ça s'est reparu sous un autre titre, je crois. Mais enfin bon, c'est mon exemplaire. Je l'appelle comme ça, Intransigeance. C'est des articles, c'est des interviews variées. Et on a l'impression, quand il parle de la littérature russe même, quand il parle de Dostoïevski, de Tolstoï, on a l'impression que qu'il n'est pas russe lui-même, enfin, et que c'est pas non plus un Américain qui parle de la littérature russe, ou un Français, enfin, quelqu'un qui serait resté en France quelques années. Il est tout à fait ailleurs, Vladimir Nabokov, pour parler de la littérature. En fait, il a déjà répondu à cette question en 1932, dans une interview russe, où on lui dit « mais on vous reproche de ne pas être russe ». Et donc, il a répondu qu'en réalité, quand il était en Russie, ce qui l'intéressait, c'était la littérature française, et que quand il était dans l'immigration, ce qui l'intéressait, c'était la littérature russe, mais plutôt du côté de Gogol et Tchekhov. Donc, je crois que dès son enfance et dès sa formation pendant la période de la Renaissance russe en Russie, étant donné, alors c'est une conjonction de facteurs, hein, sans doute un personnage sans doute hors du commun, enfin quelqu'un de très sensible, une famille aussi hors du commun, et surtout un milieu de formation qui était particulièrement porteur, puisque c'est vraiment la période de la Renaissance russe, celle où l'art russe se libère des carcans idéologiques qui auparavant le contraignait l'art russe. Et donc Nabokov a été élevé en trois langues et dans trois littératures, hein, puisque il a d'abord lu énormément en anglais, puis lu énormément en français, comme il le dit. Il est moins précis, hein, sur ses lectures de russe, mais sur Dostoïevski, il dit que, comme tous les adolescents, il a lu Crime et Châtiment, qu'il a aimé à l'époque, mais et maintenant, puis il le déteste. Qu'il déteste, oui, maintenant. Tolstoï, il adore Anna Karenine, voilà. c'est un chef-d'œuvre. Sinon, Guérépès, c'est quelque chose d'hilarant, je crois, un roman, oui, hilarant pour. Parce que ce qu'il n'aime pas dans Guérépès, c'est le préchi, il appelle ça un préchi-précha. C'est-à-dire, c'est quand Tolstoï commence à vouloir parler au lecteur moyen, voilà, dit-il, être moralisateur. Donc ça comme ça. Donc en fait, Nabokov, je pense qu'il avait une vision de la littérature déjà très très formée. Et qui effectivement est très moqueuse aussi. Est très moqueuse. C'est critique, mais c'est moqueur aussi. C'est moqueur, il se force peut-être parfois. Il s'amuse beaucoup. Oui, oui. Il s'amuse aussi. C'est-à-dire il introduit des nouveaux découpages. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'appelle ça au sein des littératures et regroupe. Il y a une vision assez universelle de la littérature, en tout cas des trois domaines. Que lui-même, dans lequel il se sent à l'aise, comme il dit. De même qu'il recrée une géographie dans Ada ou dans d'autres romans. Quoi. Voilà. Enfin, d'ailleurs, la géographie antithérienne d'Ada ou Lardar, il recompose une Amérussie, donc ce qu'il appelle l'Amérussie, c'est-à-dire un pays nord-américain, où sont installés, bien entendu, les Américains, mais aussi tous ceux qui ont fui la Tartarie, qui est la Russie sur Antiterra, donc des Russes qui sont devenus Américains, des Français, des Macédoniens, enfin bon, en tout cas, voilà, un nouveau pays composé et une nouvelle géographie et une nouvelle histoire et aussi une nouvelle littérature, puisque du coup, les littératures russes, françaises et anglaises dans Ada sont aussi recomposées à la sauce Nabokov. À la sauce Nabokov. Alors, on peut réécouter aussi Vladimir Nabokov, puisqu'on va entendre un deuxième extrait de cette émission de Pierre Dumayet, Lecture pour tous. Monsieur Nabokov, vous êtes un professeur respecté, un savant respecté. Est-ce que Lolita, dans certains milieux, n'a pas attenté à votre respectabilité? Au contraire. À l'université de Cornell, où j'enseignais la littérature, toutes sortes de choses arrivaient. Des dames de certain âge, arrangées en club, s'assemblaient pour parler de mon livre, très posément, comme de tout autre best-seller. Mes étudiants l'achetaient pour l'offrir à leurs parents à Noël ou à Pâques. Et vos collègues? Eh bien, mes collègues faisaient des petites plaisanteries indécentes. Qui vous choquaient? Bien sûr. Une dernière question, M. Nabokov, que je ne peux guère poser qu'à vous. Que devons-nous penser de Lolita? Eh bien, moi j'écris ce que je veux. J'ai écrit Lolita parce que je voulais l'écrire et je l'ai écrit. Et j'écris ce que je veux sans songer à un public éphémère. Mes lecteurs favoris, savourent le livre sans se préoccuper, j'espère, de l'auteur, qui est un gros bonhomme chauve, pas intéressant du tout. J'ai relu Lolita au moins 6 fois depuis sa publication, et en toute franchise, en toute modestie, j'avoue que j'en ressentais chaque fois le genre de plaisir très pur que vous donne le souvenir d'un beau paysage ou d'une bonne action. Lecture pour tous, toujours donc Vladimir Nabokov au micro de Pierre Dumayet. Alors nous nous intéressons toute cette nuit à ce gros bonhomme chauve, pas intéressant du tout. C'est vrai ça ? Pas intéressant du tout, bien entendu. Les chercheuses enchantées passent des années, enfin en tout cas des heures et des heures et des heures et des années donc à s'intéresser à quelqu'un qui n'est pas intéressant. Ah oui, alors quelqu'un qui n'était pas du tout mon genre. Pour... C'est encore une petite provocation de Nabokov, mais ce qu'il veut dire aussi, c'est que, enfin, à cette époque-là, c'est Lolita qui est célèbre et pas lui. Enfin, c'est, nous sommes en 1959. Voilà, c'est une autre déclaration qu'il a faite par la suite. Voilà, lui n'est qu'un obscur romancier avec un nom pas tout à fait prononçable par tout le monde. Et voilà, la raison de sa célébrité, c'est vraiment Lolita encore. Ada n'a pas eu cette notoriété, finalement, Agnès Edelroy. Elle est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus douée, beaucoup plus romanesque que cette pauvre petite Lolita. Ah, ça, c'est certain. Il n'y a pas de comparaison possible. Elle n'est pas victime non plus. Elle n'est pas victime. Ada. Dans le roman, c'est pas tout à fait Ada. Yannick Chupin. Quand on pense à une victime dans le roman de Ada, c'est la petite sœur. C'est Lucette. C'est oui. La petite Lucette. Non, ce sont deux personnages incomparables, Lolita et Ada. Et Nabokov n'aimait pas son personnage d'Ada, ni celui de Van, qu'il trouvait arrogant et prétentieux. Pour autant, c'est peut-être le meilleur roman, non ? Alors, oui, alors ça c'est une autre question. Et pour revenir à la question du succès de Ada, les avis n'étaient plus partagés sur Ada. C'est un roman c'est une véritable prouesse littéraire, une virtuosité qui vaut coupe le souffle. Si on regarde un petit peu la manière dont il est écrit, le nombre de références foisonnantes à d'autres textes qui sont soit des références évidentes ou beaucoup de références cachées. Et c'est presque un jeu d'énigmes, de détectives que de lire Ada. Et ça a pu peut-être rebuter certains qui voyaient un tour d'exercice formel, une sorte d'exercice de style. Nous terminerons en tout cas cette nuit Vladimir Nabokov par une nuit magnétique donc, qui avait été diffusée en 1990. Elle était signée Philippe Boyer, réalisée par Mehdi Elhadj. Elle donc s'intéressait à Ada, le roman des manuscrits. Ada, c'est dans la Pléiade déjà, non, Agnès Edelroy? Alors non, ça sera dans la Pléiade, dans le troisième volume de la Pléiade en 2019, qui paraîtra en 2019. Sur lequel vous êtes en train de travailler? Voilà, sur lequel Yannick, moi-même, ainsi que Monica Manolescu et Marie Boucher, il a fallu une équipe de 4 chercheuses enchantées pour venir à bout de ce roman. Et nous y travaillons depuis octobre 2016. C'est vous dire qu'elle nous donne du fil à retordre, mais ça a été en tout cas un formidable travail que de tenter de décrypter un peu mieux, un peu plus. Certaines. C'est la même traduction qui était parue chez Fayard. Sera la même traduction. Il ne va pas être retraduit pour l'occasion. Alors, quand on est chercheuse enchantée, il y a des chercheurs enchantés, j'imagine, dans le groupe. Il n'y a pas 80 femmes seulement. Non, si. Mais il y en a moins que de chercheuses. Ah, voilà, il y a plus de femmes donc dans la société française. Oui. Vladimir Nabokov. On n'a pas un petit peu peur comme ça de temps en temps de trop faire dire de choses à Vladimir Nabokov qui s'en est plaint par avance de toute manière de toutes les des extrapolations multiples et mondiales. C'est une excellente question parce que Vladimir Nabokov est un auteur sous lequel, sous le regard duquel on travaille tout le temps, puisque tout le monde connaît ses déclarations péremptoires sur les criticules, notamment depuis ses débuts dans l'immigration. Alors voilà, le travail de chercheur, c'est aussi de parfois même de contredire pas les intentions de l'auteur, mais disons que voilà, soit on tente de décrypter, on essaie de pas surinterpréter, même si par ailleurs parfois on peut se laisser emporter. et puis on apporte ce que disait Nabokov, hein, on apporte quand même parce que finalement on apporte nos propres jeux. Enfin, Nabokov avait aussi cette conception du lecteur qui participe à la création de son roman, ce qu'on dit peu finalement. Or il nous attend aussi avec nos envies, nos désirs, nos connaissances, même si je dois avouer que pour ma part en tout cas, j'ai beaucoup appris en tout cas dans certains domaines comme la botanique ou l'ornithologie ou l'entomologie. Il faut suivre parfois. Alors donc, ce livre, Vladimir Nabokov et la France, publié aux presses universitaires de Strasbourg, sous votre direction, Yannick Chupin et Agnès Edelroy, et celle de Monica Manolescu et Lara Delage-Toriel. On l'a dit, donc elle est bilingue, des textes français et des textes anglais, mais on peut s'intéresser alors aux influences françaises, en effet, les lectures françaises du petit Nabokov, de l'adolescent Nabokov. On sait que, je ne sais plus si c'est chez vous, dans Intransigeance que j'ai lu, qu'il trouvait que À la recherche du temps perdu, c'était un conte de fées. Dans sa première partie, c'était un bon conte de fées. Après, que ça bon, oui, entre, oui. Pourquoi il avait adoré jeune Proust, et puis quand il l'a enseigné ensuite à l'université. Et pour lui, la deuxième partie est tout simplement moins achevée que la première. Agnès, peut-être tu veux... Agnès Edelroy, vous allez défendre qui, là? Ajouter des choses. Le rapport avec Proust est compliqué, en ce sens que je crois qu'il l'a vraiment lu de très très près. Il n'est pas du tout venimeux comme avec Freud, par exemple. Non, mais là... La question avec Freud est beaucoup plus cruciale, c'est-à-dire que Freud, c'est pour lui un véritable ennemi. Enfin, peut-être parce qu'ils sont concurrents pour certaines choses, mais sa haine de Freud date de ses premières années. Dès en russe, il écrit des articles anti-Freud. Donc non, il aime beaucoup Proust, il a lu de très près Proust. Il faut pas toujours prendre au pied de la lettre cette déclaration dans les interviews. Non, mais on sait qu'il y a l'humour de Nabokov, il y a les provocations, et que ça nous réjouit et ça nourrit tout autant notre amour pour son œuvre. Ah, tout à fait. Mais c'est vrai que parler de Proust de la première partie de la recherche comme d'un conte de fées, c'est une manière pour lui d'indiquer aussi qu'il a quand même une vision de la littérature où on prenne du plaisir, où on puisse se séparer de ce qu'on n'aimait pas Nabokov, c'est les idées en littérature. Il a même construit toute son œuvre, je crois, contre les idées en littérature, et peut-être qu'elles sont moins... Oui, mais puis tout simplement aussi, le temps retrouvé n'est pas en version beaucoup moins relue par Proust. Et on sait que Nabokov, c'était quelqu'un qui retravaillait énormément ses textes et qu'il n'y a pas le même degré d'achèvement dans la fin de la recherche. Oui, parce que tout est paru, la moitié est paru posthume, d'une manière posthume. Voilà. Bon, écoutez, c'est la nuit Vladimir Nabokov, c'est pas la nuit Marcel Proust, mais c'est avec Nabokov, on est toujours dans de nombreuses littératures, dans de nombreuses écritures. On reviendra avec vous, Yannick Chupin et Agnès Edelroy, en toute fin de nuit, de cette nuit, Vladimir Nabokov. Mais on va écouter L'Enchanteur, et puis on va aller à Montreux, et puis on rencontrera Bénédicte Benten, donc, qui nous parlera du français langue de la séduction fallacieuse dans l'œuvre de Vladimir Nabokov. Des nouvelles de Nabokov seront entendues. On rencontrera Laure Troubetskoy pour les lettres à Vera, et puis on parlera de Lolita, on parlera de Ada, et on entendra aussi Dimitri Nabokov.